La personne qu'on aime est toujours vivante en soi. Plus qu'on la voit, plus que l'on aime. Nous prions, nous pleurons dans l'amour, et c'est toujours encore. Avec ta robe blanche, faisant resplendir ta beauté angélique, ton chapelet au cou, tu me fascinais par ta voix évangélique. Ta prière entrait dans mon cœur et me rendait encore plus rêveur. Tu ressemblais à une déesse tombée des cieux pour venir m'aider dans mes moments affreux. J'étais trop anxieux. Que je suis heureux de t'avoir dans ma vie. Je ne cesserai de te dire, c'est pour toi que je vis. Rien ne peut t'effacer en moi. Et chaque jour, tu ne fais qu'accroître mon émoi. Prier, gémir, pleurer, c'est la façon de t'aimer. Je ne puis maudire le jour de notre rencontre, puisque je le porte toujours dans mon ventre. À chaque fois je te vois, c'est comme pour la première fois. Mon cœur ne fait que palpiter pour rejoindre ton cœur qui ne cesse de chanter « Je t'aime ».